à neuf. Elle date pas d'hier, nos cimetières remplis de jeunes victimes de bavures policières. Dans ma communauté urbaine, avec des flingues, flingues, trop de dingues, dingues. On met des grossières, des rimes qui tabassent, trop de tasses qui ont le tasse. Ma mixtape passe des as qui arrachent. Urban Eric, tu pètes une étape. T'as voulu t'y frotter, t'as pris le risque. Mène mon place, mon ennemi, vol de risque. Sache qu'y a trop de rimes, rimes. Trop de crimes, crimes. Dans le rap, y'a trop de clones, clones. Trop d'imposteurs, j'vais remettre les pendules à l'heure. Wolverine, c'est pas blagueur, je tape un cœur de son. Représente ta vie et ton production. A chaque saison, j'ai encore plus d'un doll. 2005, 2006, j'suis là pour défoncer les portes. Tes portes, ton hip hop, faut que je monte ma cote. Figure en place, on te fait ta gueule. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, Urban Eric, Wolverine, bang, bang, bang, bang, Wolverine, Urban Eric, Wolverine, Urban Eric, Wolverine, Urban Eric, Wolverine, bang, bang, bang, bang. Tu te prends pour un grand, mais je suis tout là. C'est Wolverine, MC et Solien. Je suis pistonné, tu as pris sous et tu sais net. Qu'on est comme ça depuis qu'on a zoné, on va faire de la sono à deux méchants comme un sonar. La la, la la. J'viens baiser ton rat français. La la, la la. J'viens baiser ton rat français. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, bang, bang, bang, bang. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, Urban Eric. Wolverine, bang, bang, bang, bang. Retiens bien ce blaze, mec. Deux astres cordes et cinq productions. Check back.